L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeurs aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. Ici Richard Hébert. Nous sommes heureux, le conseil municipal et moi, de vous inviter à participer en grand nombre au Festival Western de Dolbeau-Mistassini. Comme chaque année, les nombreuses activités seront faire vibrer notre ville au rythme des cowboys. Merci aux personnes qui assurent année après année la réalisation de cette tradition. Quand on veut se payer une bonne bouffe, c'est le restaurant Midas où il faut aller. La pizza, les hot dogs qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert avec tous les budgets, dans un décor spacieux et très aéré. Et surtout, un personnel courtois qui vous offre un service rapide. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Danny et tout le personnel souhaitent la meilleure des chances au comité organisateur des championnats canadiens de vélo de montagne et invite toute la population à participer aux différentes activités. On vient de faire la chronique du club de golf de Chipougamau. Là, maintenant, on va faire la chronique du club de golf de Dolbeau avec Daniel Fortin qu'on retrouve à Port-Alfred. Salut Daniel! Bonjour Danny. Le président, il se promène pas mal. Il joue au golf en masse. Ben, Port-Alfred aujourd'hui, hier, je te rejoins au Saguenay. Oui, hier, c'était à Chicoutimi, ouais. Une réunion avec le directeur général et président. Après ça, aujourd'hui, je suis avec les juniors. J'accompagne les juniors à Port-Alfred, un tournoi de régional aujourd'hui qui se tient à Port-Alfred avec nos juniors. On a 5-6 juniors du club de golf de Dolbeau-Mistassini qui participent à cette réunion. OK. Justement, une réunion des présidents. Normalement, je sais que junior, je faisais une entrevue avec junior là-dessus. Et en fait, cette réunion-là, ça sert à se parler entre présidents pour savoir comment ça va entre les clubs. Et en général, est-ce que les clubs trouvent l'année quand même positive? Bon, effectivement, les clubs sont dans l'ensemble des clubs de golf de la région. Là, on s'en va pas dans une année record. Tout le monde en arrache un petit peu, mais les chiffres sont semblables au équivalent l'an dernier avec des petites pointes à la baisse un peu, mais gars, il n'y a rien de catastrophique. Le début d'année était morose pour tout le monde. Là, pis, on espère que le mois de juillet, avec les vacances en construction qui s'en viennent, puis les températures plus clémentes, on va être capable de récupérer un peu le retard qu'on a accumulé un petit peu par rapport au... Ben, mais Saint-Prime, par contre, ça va bien, Saint-Prime, là. Et ça a dû aider pas mal, là. Saint-Prime, ça va très, très bien. J'ai rencontré un professionnel dans le cours de la réunion. Avec ça, qu'ils sont à quelques papiers, quelques autorisations près pour finaliser le projet, là, de la vente des terrains, là. C'est une question que le ministère des ressources naturelles autorisent finalement le départ du projet, mais tout semble bien aller dans ce cadre-là. Ils ont de nouveaux membres cette année, donc vraiment, ça va bien pour ça. Il y a vraiment un nouveau, c'est pas mal la fin de faire le chronique. T'accompagnes le junior, il y a Christophe Pelchat, junior cette semaine, c'était l'omnium ici même à Dolbeau-Mistassini. Christophe Pelchat qui a battu vraiment dans une case à part, qui a battu des golfeurs beaucoup plus âgés que lui, lors de l'omnium qui est lui ici à Dolbeau-Mistassini. Oui, effectivement, Christophe, c'est d'un junior encore, dernière année. D'accord, il peut compétitionner dans les tournois de régionaux qui s'appellent les Field Day. Puis il a roulé un magnifique sur dimanche passé. Donc, chapeau, là, il était avec moi ce matin, là, après ça. C'est tout un golfeur, un gros potentiel. Très, très long au coup de départ. Donc, il y a une game là, vraiment assez impressionnante. Penses-tu qu'il veut faire... Est-ce qu'il veut se rendre assez loin, Christophe, là-dessus? Je te dirais bien la lumière de l'information que j'ai recueilli un peu autour de lui. C'est un gars qui veut continuer dans le golf. Là. Okay. Concentré beaucoup dans les études. De savoir s'il va faire côté études, sport-études avec ça. C'est encore jeune un peu, je pense. Il va peut-être plus avoir des choses l'année prochaine. Probablement que ça va peut-être plus se concrétiser. On sera un petit peu plus... Il y a quoi, il y a 16 ans, Christophe, à peu près? Là, il va avoir 18 ans. Oh, 18 ans? Oh, je pensais qu'il avait rien que 16 ans. Fait que c'est quand même un potentiel intéressant. Il était garde un gars. OK. Ouais. OK. Là, il est au cégep. Après, ça, il joue au cégep. Là, il concentre dans ses études. Puis le golf, ça aide secondaire. Il adore le golf, mais okay. Le potentiel est là. C'est à lui à décider qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, il y a Raymond Lavoie également, ici même à l'Omnium de Dolbeau, qui a fait 74, qui a remporté la victoire. Classe B, Jean-Guy et Marcel Bussière. Dans la classe B, ça a été une ronde quand même très... 2B, c'est-à-dire que ça a été une ronde quand même assez serrée. Les 3 ont eu 81. Effectivement, écoute, on a nos joueurs de golf de Dolbeau ont très, très, très bien performé là, dans le cadre du tour régional. Des sûr qu'il y a une connaissance du terrain, mais par contre, il faut jouer les coups, il faut rouler une bonne ronde. Puis c'est trois joueurs de calibre qui sont capables de faire de jouer ce genre de partie-là. On a le grand M. Bussière, M. Jean-Guy, donc c'est sûr qu'ils sont capables de jouer ce genre de golf. OK, et en B, régime maintenant, Mario Murray, 87 et 92. Donc, il y a eu quand même pas mal de golfeurs. C'était beaucoup de golfeurs d'ici, évidemment, qui ont remporté les palmes. C'est sûr que c'était ici, fait que c'est normal. Là, y a-tu du monde qui va à Chibougamau? Parce que je viens de faire l'entrevue avec Michel. Y a-tu beaucoup de joueurs de Dolbeau qui vont être à Chibougamau en fin de semaine? Ah, effectivement, il y en a toujours quelques-uns qui vont monter à Chibougamau. Là, moi, ça fait deux jours que j'étais à l'extérieur du club de golf. J'ai pas vraiment passé dans le club de golf, c'est ainsi. Mais habituellement, Raymond Lavoie, Ronald Lafrance et Jean-Guy de ce monde, Bussière, habituellement, vont participer à l'Omnium de Chibougamau. Donc, c'est par connaissance du passé, ces golfeurs-là devraient monter à Chibougamau. Vous n'avez pas perdu un bon membre cette semaine, puisque j'ai vu passer ça. Ouais, effectivement, on a perdu M. Jean-Claude Lavelle qui nous a quittés là, pour être passé d'un anévrisme au cerveau. C'est une mort assez subite. Moi, je l'ai vu vendredi dans le cadre du shootout des classes B. Là, vendredi, il était à côté de moi dans son car. Et puis, j'ai appris dimanche matin qu'il était décédé. Donc, c'est sûr, nos condoléances à la famille, aux gens qui se sont éprouvés, là, puis on perd un bon ami, puis un bon membre. Oui, c'est un bon membre. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux, donc c'est quand même sympathique à tout le monde. Ben, Daniel, on va te souhaiter la meilleure des chances pour aujourd'hui. On va te souhaiter la meilleure des chances à Christophe, puis on se reparle quelque part la semaine prochaine. Merci beaucoup, le président du club de golf de Dolbeau-Missisigny, Daniel Fortin.